franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est l'un des mystères les plus inexplicables dans l'histoire contemporaine des services secrets. Pourquoi ? L'espion israélien Jonathan Pollard, emprisonné aux États-Unis depuis 27 ans, n'a-t-il pas toujours recouvré la liberté ? Quel dommage considérable a-t-il infligé pour que l'administration américaine, quels que soient les présidents, s'obstine à le garder sous les verrous ? Malgré les excuses, malgré les pressions incessantes de l'allié israélien, malgré les innombrables pétitions. Non, Washington reste inflexible. À tel point que le vice-président américain Joe Biden, un vieil ami d'Israël qui a toujours voté les lois de soutien à l'État hébreu, a récemment déclaré qu'avant de faire adopter une mesure de libération de Pollard, il faudrait lui passer sur le corps. La taupe israélienne est-elle donc un nouveau masque de fer qu'il convient de laisser enfermer jusqu'à la fin de ses jours ? Quel secret Pollard possède-t-il donc encore ? Monsieur X a autrefois évoqué cette affaire qui, dans les années 80, a sévèrement brouillé les relations entre Israël et les États-Unis. Mais, c'est ce qu'il pense, l'épisode Pollard ne serait que la partie émergée d'un iceberg qui dissimule une vaste entreprise de pénétration des services israéliens en vue de s'emparer d'un certain nombre de secrets technologiques et industriels américains. Une manœuvre qui serait toujours d'actualité car toutes les taupes n'auraient pas été identifiées par le contre-espionnage. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Une constatation d'abord. Si Jonathan Pollard a pu faire passer à ses employeurs israéliens une grande quantité d'informations, et en particulier sur les technologies américaines de pointe, c'est grâce aux fonctions qu'il occupe. Bah, rappelez-moi alors. Bah, Pollard était un agent des services de renseignement de la marine américaine. C'est un analyste qui a d'abord occupé un poste subalterne. Bah, un employé de bureau, en somme. Ouais, mais enfin, un homme qui donne rapidement satisfaction. Ouais, alors, on va lui proposer une promotion. Oui, il est muté dans un nouvel organisme créé après le terrible attentat contre l'immeuble des Marines américains à Beyrouth en 1983. Un centre d'alerte antiterroriste situé près de Washington. Et dépendant de la marine, alors. Oui, et en 1984, nouvelle avancée, il est nommé officier de garde de la division analyse des menaces. Donc il a désormais accès à des informations classées confidentielles ou top secret concernant le terrorisme et émanant de tous les services de renseignement américains. Un accès qui lui permet aussi de consulter les banques de données les plus secrètes de ces organismes. Des données qui dépassaient le strict cadre du terrorisme. Ah, c'est exact. Ouais, toutefois, ouais. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Quand sa trahison a été découverte et qu'on a pu fouiller dans ses papiers et son ordinateur, on a observé que certains des précieux renseignements qu'il avait transmis n'avaient pu être obtenus dans le cadre strict de son travail. Ouais. Alors, conclusion ? Bah, une autre taupe lui donnait des tuyaux. Et des tuyaux que Pollard, à son tour, faisait parvenir aux Israéliens en même temps que les informations qu'il avait pu lui-même glaner. Oui, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Et ça, c'était très embarrassant. Et autant vous dire que les services états-uniens ne l'ont pas crié sur les toits. Bah, ils ont au contraire donné le maximum de publicité à l'affaire Pollard, en se gardant bien de révéler qu'il aurait pu disposer de complicité à un très haut niveau. Ouais, Pollard, seul coupable. C'est ça, quitte à charger exagérément la barque de ce dernier. Même si la culpabilité de Pollard est avérée et nullement contestable. Encore un rappel, là. Comment Jonathan Pollard est-il entré en espionnage ? En 1984, au cours d'une soirée chez un homme d'affaires juif de New York, il fait la connaissance d'un colonel de l'aviation israélienne, Aviem Sella. Ouais. Il faut tout de suite dire que Pollard est lui-même juif. Hein. Mmh. Et cette rencontre est-elle fortuite ? Je ne le pense pas. Ah. Alors, ce colonel Sella, là, est-il un agent ? Non, c'est un brillant pilote qui est venu aux États-Unis pour suivre des cours d'informatique. Ouais. N'aurait pas été plus simple d'utiliser pour ce premier contact un professionnel de l'espionnage ? Je ne crois pas, car Pollard, dont le profil a été sérieusement étudié, est très impressionné par Sella, dont on ne compte plus les exploits en Israël. Ouais, c'est pourtant ce héros, là, Sella, qui va faire de lui un espion. Hein. Sella est avant tout un officier israélien. Et il obéit quand on lui donne des ordres. Enfin, peu importe. Pollard est déjà mûr. Et les agents israéliens qui l'ont repéré depuis longtemps le savent parfaitement. Ah, c'est le Mossad ? Non. Le service qui se trouve derrière ce recrutement de Pollard est alors pratiquement inconnu. Il s'agit du LACAM, un organisme excessivement discret qui s'occupe surtout de renseignements scientifiques. Le LACAM a été créé dans les années 50 à l'initiative de Shimon Peres, alors ministre de la Défense. Et ce service a joué un rôle primordial dans l'élaboration du programme nucléaire israélien. Ouais, la bombe. La bombe, oui, cette bombe, je vous l'ai déjà raconté, qui doit beaucoup à la France. Autre fait d'armes du LACAM, le vol des plans du Mirage. Vous vous souvenez ? Oui, c'est l'affaire Faulknechte. Oui, du nom de cet ingénieur suisse qui travaillait sur les moteurs de l'avion de combat français. Par sympathie pour Israël, il a accepté de collaborer avec le LACAM et a réussi l'exploit de faire passer aux Israéliens des caisses de plans. Oui, ce qui a permis à ces derniers de construire un avion de chasse qui ressemblait étrangement au Mirage. Le KFIR, oui. Alors revenons à Pollard. Lorsqu'il est approché, le LACAM est dirigé par le légendaire Rafi Etan, Rafi le Sale, comme on l'appelle familièrement. Pourquoi le Sale ? Au cours de la guerre d'indépendance, après un attentat contre les forces britanniques, il se serait enfui par les égouts. Ah oui. Mais Etan, qui est par ailleurs un protégé d'Ariel Sharon, est surtout connu pour avoir dirigé le commando qui a enlevé Eichmann. Ouais. Mais pourquoi est-ce ce LACAM là, qui va recruter Pollard, puisque, m'avez-vous dit, cet organisme secret s'occupe essentiellement de renseignements scientifiques ? Eh bien d'abord, le bouillant Rafi Etan ne se refuse jamais le plaisir de faire un croche-pied aux autres services de renseignement israéliens. Ensuite, Pollard l'intéresse beaucoup parce que les services de renseignement de la marine américaine sont en possession d'innombrables informations technologiques. Des codes, des procédures, des secrets industriels, autant d'informations très précieuses. Mais avant de recruter Pollard, est-ce que le patron du LACAM n'hésite pas? Après tout, Israël et les États-Unis sont en principe des alliés. Écoutez, Rafi, le Sale n'a pas ce genre d'état d'âme. Pour lui, seule l'efficacité compte. Et puis, comme d'autres responsables israéliens, il est persuadé que malgré les accords conclus avec les services américains, ces derniers continuent à faire de la rétention d'informations. Et même à partager certains renseignements avec des pays arabes prétendument modérés, comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou l'Égypte. Des pays auxquels ils vendent des armes. Par conséquent, Ethan fonce. Avec tous les risques que ça représente en cas de coup dur. Le LACAM est un service de renseignement qui n'a aucune existence officielle. Seules les plus hautes autorités israéliennes connaissent ses activités. D'accord, mais est-ce que Rafi Ethan demande un feu vert officiel avant de se lancer dans cette opération ? À l'époque, c'est un gouvernement d'union nationale qui est aux commandes. Shamir est aux affaires étrangères. Rabin à la défense et c'est Shimon Peres qui est Premier ministre. Peres qui est à l'origine de la création du LACAM. Oui, alors je suis à peu près sûr que Peres a couvert l'opération et qu'il en a informé les deux autres. Même si, bien sûr, le gouvernement israélien niera toujours avoir été au courant. Mais c'est la règle, quand il y a une tuile, on se décharge sur les échelons inférieurs. Oui, les boucs émissaires. Bien sûr. Autre preuve de la duplicité du gouvernement israélien dans cette affaire, la nature des renseignements qui vont être fournis par Pollard ne pouvait laisser aucun doute sur leur origine. Une origine américaine, vous voulez dire? Oui, oui. Or, ces précieux renseignements étaient naturellement communiqués aux autorités, à charge pour elles de les exploiter. Donc, Peres et les autres ne pouvaient pas ignorer qu'Ethan disposait d'une source aux États-Unis. En effet, après ce premier contact avec le colonel Sella, Pollard est mis à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire une démonstration de son efficacité. Oui, c'est-à-dire, cette démonstration-là, c'est quoi? Une première livraison de renseignements? Oui, et c'est fabuleux. Pollard a rassemblé des informations essentielles sur les programmes militaires des pays arabes voisins d'Israël. Et des informations que les Israéliens ne connaissaient pas? Pas toutes, non. Et à leurs yeux, c'est une confirmation de ce qu'ils soupçonnaient. Les Américains leur font des cachotteries. Autant vous dire que si les Israéliens avaient encore des scrupules, cette découverte les fait disparaître immédiatement. En tout cas, informés de la richesse de cette première moisson, Sharon, Peres et Rabin autorisent le LACAM à poursuivre le traitement de la taupe Pollard, en dépit du risque politique que cela représentait en cas de pépin. Ouais. Est-ce le colonel Sella, c'est ça, qui continue à être l'officier traitant de Pollard? Dans un premier temps, oui. Les deux hommes sont d'ailleurs devenus des amis. Mais évidemment, ça ne peut pas durer. Et c'est un véritable agent de renseignement qui va prendre la suite. Un certain Yagour, qui est attaché scientifique au consulat d'Israël à New York. Un homme qui bénéficie donc de l'immunité diplomatique. Et ce n'était pas le cas de celle-là. À partir de ce moment, les contacts avec Pollard vont être plus sérieux. Plus professionnels. Oui. Ouais. Une question avant d'aller plus loin, là. Est-ce que Pollard est désintéressé? Non. Certes. Il est satisfait d'aider l'État hébreu, mais c'est aussi un panier percé, criblé de dettes. Il a donc toujours besoin d'argent, quoi. Et le LACAM va le rétribuer assez largement. Une solde mensuelle, une bague offerte à sa fiancée, un voyage de noces en Europe dans les meilleurs hôtels, et l'ouverture d'un compte en Suisse. Au total, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et c'est la preuve que Pollard n'agit pas seulement par sympathie pour Israël. Oui, mais enfin, au fond, le LACAM préfère ça. À partir du moment où une taupe est payée, on la tient. En outre, plus Pollard reçoit d'argent et plus il est conforté dans l'idée qu'il rend des services considérables à Israël. Psychologiquement, c'est très important. Oui, parce que ça l'encourage à en faire encore plus. Bien évidemment. Et très intelligemment, ses officiers traitants n'ont cessé de le flatter. Chez un personnage, un tantinet paranoïaque, c'était une carotte indispensable. Mais je vais vite, car je vous ai déjà parlé de tout cela au début de sa collaboration avec le LACAM. C'est Pollard qui prenait l'initiative de dénicher des documents qui pouvaient intéresser Israël. Maintenant, on va lui désigner des secteurs de recherche. Et pour le tranquilliser, car il va être obligé de prendre de plus en plus de risques, on lui donne un passeport israélien, sous un autre nom, naturellement. Il a donc l'assurance de pouvoir venir s'installer en Israël si les choses tournent mal. Enfin, c'est ce qu'on lui promet clairement. Thank you. Monsieur X a suggéré que l'équilibre psychologique de Jonathan Pollard laissait à désirer. Pourtant, ce mythomane, habituel consommateur de drogue, a quand même été engagé dans un service de renseignement états-unien. Dans leur ouvrage « Tous les espions sont des princes », les deux journalistes israéliens Dan Raviv et Yossi Melman soulignent les négligences des services américains. Comment les employeurs américains de Pollard ont-ils pu ignorer son comportement bizarre, ses vantardises et ses mensonges alors qu'il était étudiant? Voilà qui demeure un mystère. Pollard avait demandé à être engagé par la CIA en 1977, 2 ans avant d'entrer dans la marine, mais sans succès. Le 10, le service d'investigation du ministère de la Défense fit son enquête de routine avant de l'engager dans les renseignements de la marine. Le 10 interrogea son père et quelques anciens condisciples de l'école Fletcher. Mais la CIA ne fournit pas au 10 le dossier qu'elle possédait sur Pollard, qui concluait en disant qu'il s'agissait d'un menteur invétéré, un espion de pacotille, un sioniste zélé et un drogué. Le livre de Raviv et Melman a été publié chez Stock en 1991. En cas de pépin, Pollard est donc assuré de pouvoir gagner Israël. À condition quand même d'en avoir le temps. À condition aussi que le LACAM ait tout préparé pour l'exfiltrer. Or, et c'est une faute que le Mossad, le service rival, n'aurait certainement pas commise, rien n'a été prévu. Aucune procédure, aucune filière d'évasion. Et quand Pollard, qui a accumulé les imprudences, comprend qu'il est démasqué et qu'il va être arrêté, bah, il appelle en vain son officier traitant du LACAM. Et c'est à ce moment, hein, si je me souviens bien, en novembre 1985, qu'il tente une manœuvre désespérée. En voiture, il entre en force dans l'enceinte de l'ambassade israélienne à Washington. Il a pu profiter de l'ouverture de la grille au passage d'une autre automobile. Mais il a été filé par le FBI et plusieurs voitures de la police fédérale font déjà le siège de l'ambassade. À l'intérieur, les services de sécurité ont compris. Pour éviter un sérieux incident diplomatique, il refoule Pollard. Malgré son passeport israélien. Oui. Ouais. Ah ben, il est donc abandonné. Et Pollard se venge à sa façon en passant immédiatement aux aveux dès qu'il est interrogé. La suite, elle est prévisible. Aux États-Unis, on pousse un gros coup de colère. Et en Israël, après avoir nié, on présente des excuses et on rejette la faute sur Ethan et quelques subalternes. Quant à Pollard, vous le savez, il a été condamné à la prison à perpétuité. Et il est toujours enfermé. L'administration états-unienne a repoussé toutes ses demandes de libération. Mais en dépit de l'insistance hein, des autorités israéliennes. Hein. Oui, il ne faut pas oublier qu'en Israël, Pollard n'est pas loin d'être considéré comme un héros. Alors, pourquoi cette obstination de Washington? Il y a 10 ans, lorsque nous avons évoqué cette affaire, je vous ai donné une première clé. Pour amadouer Moscou et favoriser le départ des Juifs soviétiques vers la Palestine, Israël a presque certainement transmis à l'URSS quelques informations secrètes obtenues par Pollard. Et quand les Américains en ont eu la conviction, bah, ils ont été furieux. Oui, et ils se seraient vengés sur Pollard? Bah, c'est l'hypothèse, en tous les cas, qui a été émise par des gens très bien informés. Est-ce aussi votre avis? Oui, parce qu'il faut observer que le robinet de l'émigration des Juifs soviétiques s'est largement ouvert au milieu des années 80. Mais ce n'est pas la seule raison. Car avec le temps, tout cela aurait fini par être oublié. Et pardonné. Évidemment. Ouais. Donc, il y a autre chose. C'est ce que je vous laissais entendre au début de cet entretien. Bah, l'existence d'une taupe à un niveau supérieur? Oui. Et pour commencer, il me faut vous parler d'un certain Melvin Pesley. Ah, c'est la taupe? Je vous en prie, un petit peu de patience, mon cher Penaud. Pesley, c'est d'abord un personnage haut en couleur. Bon vivant, amateur de bonne chair, de boissons et de femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce futur ingénieur sert dans l'aviation et il est médaillé à plusieurs reprises. Il entre ensuite chez Boeing, où il va faire une grande partie de sa carrière. Une carrière brillante, puisqu'il finit vice-président et responsable des opérations internationales du constructeur aéronautique. Mais jusque-là, rien à dire. C'est aussi un dirigeant qui use de méthodes très particulières et n'hésite jamais à se salir les mains lorsqu'il s'agit de conclure un contrat. Ouais, les pots de vin? Bien sûr. Lorsqu'il le faut, Pesley arrose tant et plus et il n'en fait pas mystère. Oui, un peu vantard le personnage. C'est certain, et pas très honnête non plus. En tout cas, Malgré plusieurs alertes chez Boeing, il est toujours passé à travers les gouttes. Autre particularité. Au fil des ans, Pestley s'est confectionné un solide réseau de relations. Et il l'utilise dès qu'il quitte le constructeur d'avions. En 1981, l'un de ses amis, John Lehman, devenu secrétaire de la marine dans l'administration Reagan, l'embauche comme adjoint. Assistant secrétaire de l'US Navy, Pestley s'occupe de la recherche, de l'ingénierie et des systèmes. Et surtout, il est chargé des marchés publics. C'est un poste lucratif pour un malin comme Pestley. On ne peut même s'étonner, étant donné sa réputation sulfureuse chez Boeing, qu'il ait pu être recruté au sein du Pentagone. D'autant que, très vite, Pestley annonce la couleur. Sa première décision consiste à supprimer la direction des achats de la marine. Ah oui, alors désormais, tous les achats passeront par lui. C'est l'objectif poursuivi, oui. Et Pestley va sans vergogne se servir de son pouvoir pour s'enrichir. Un coup de sous de table. Bien entendu, ouais. Mais pas seulement. Pestley a aussi vendu des secrets sur les systèmes d'armement développés par la marine à des industriels. Et personne ne branche. Apparemment, non. Mais les rumeurs vont bon train au sein de la Navy. Des rumeurs qui transpirent aussi à l'extérieur. Et c'est là où l'on retrouve nos agents du LACAM. L'un d'eux, en particulier, un certain Shai, qui surveille de très près les programmes de recherche de la marine états-unienne. Et cet agent a réalisé que Pestley était un maillon faible, un homme qu'on pouvait corrompre. Exactement, il a fait remonter l'information. Auprès de ses chefs. Ouais. Et du gouvernement israélien qui a vite compris qu'il était possible de rééditer une opération aussi fructueuse que le vol des plans du Mirage. Est-ce que les Israéliens avaient en vue un objectif précis ? Oui. Ils savaient que les Américains travaillaient à la conception d'un avion tactique ultra perfectionné, susceptible d'équiper leur porte-avions. Un appareil dont l'électronique de bord permettait de transmettre et d'évaluer en temps réel les données recueillies lors des vols de reconnaissance. Oui, les Israéliens ont donc pris contact avec Pestley. Oui. Lors des premiers rendez-vous à côté de l'homme du LACAM se trouvait un représentant du Mazlat, une filiale du fleuron israélien de l'industrie de défense, Israel Aircraft Industry. Et c'était très habile. Expliquez. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de convaincre Pestley de livrer des secrets technologiques, mais aussi de lui permettre de gagner beaucoup d'argent en passant des contrats d'achat de matériel à Mazlat, très proche des services de renseignement et surtout du LACAM. Et ici, il faut constater que les Israéliens, lorsqu'ils ont pratiqué cet espionnage technologique, n'ont jamais perdu de vue son intérêt financier. Oui, en économisant sur la recherche et le développement. Et aussi en commercialisant ces systèmes qu'ils avaient pillés. Les affaires sont les affaires. Il ne faut jamais l'oublier. En tout cas, pour Pestley, c'était tout bénéfice. Il gagnait sur les deux tableaux. Les Israéliens le payaient pour les plans qu'il leur transmettait frauduleusement. Et il touchait des pots de vin pour chaque contrat que la marine américaine signait avec Mazlat. Mais tout a une fin. Et aux yeux de l'administration américaine et du FBI, Pestley devenait de plus en plus suspect. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Quelques précisions sur la personnalité de Melvin Pestley. Je les ai trouvées dans un ouvrage de Peter Schweizer, « Le pillage technologique des USA par leurs alliés », extrait. Certains de ses collègues le tenaient pour un individu sans scrupules que rien n'arrêtait quand il s'agissait de s'octroyer un avantage, de gravir un échelon dans la hiérarchie de la société ou de conclure une affaire. Son comportement transgressait constamment les limites de la morale et il aimait à en faire étalage. Généralement, chaque entreprise importante dispose de quelqu'un qui se charge du sale boulot, allègue un de ses anciens collègues. Chez Boeing, c'était lui. Auprès de ses camarades, Pestley se vantait sans cesse de ne connaître aucun frein. Attitude qui l'amenait parfois à prendre sa part de certains actes illicites pour le compte de l'entreprise. Il se targuait par exemple de la manière dont il avait posé des micros chez un concurrent pour connaître la réponse de celui-ci à un appel d'offres fort alléchant lancé par Panam. Il racontait comment il avait suborné des officiers américains à l'étranger et offert des commissions à des tiers pour conclure des ventes. Il évoquait, en souriant, la manière dont il avait parfois recours à des prostituées pour défendre les intérêts de Boeing. « Avant de voir plus précisément quelles ont été les menaces qui pesaient sur Paisley, là, pensez-vous qu'il y a eu des liens entre Pollard et ce dernier ? Tous les deux appartenaient au service de l'US Navy. Et tous les deux, je vous le rappelle, étaient cornaqués par le LACAM. Ça fait beaucoup de points communs. D'accord, mais dans la hiérarchie de la marine, ils n'étaient pas au même niveau. Hein. Aussi n'était-il pas impossible de penser que les chefs du LACAM ont estimé que le moins exposé, eu égard à son rang subalterne, c'est-à-dire Pollard, pouvait transmettre sans danger des renseignements recueillis par Paisley. Et ça expliquerait pourquoi on a pu trouver dans les papiers de Pollard des informations auxquelles normalement il n'avait pas accès dans le cadre de ses fonctions. Et déjà dans les milieux américains du renseignement, on évoque l'existence d'un personnage mystérieux, un monsieur X, pardonnez cette immodestie, qui serait l'un des informateurs de Pollard. Cependant, en 1985, on ne sait pas encore que c'est Paisley. Mais, car il y a un mais, on va plus tard acquérir la quasi-certitude qu'une autre taupe aurait pu intervenir. Toutefois, bon, n'allons pas trop vite. Alors, Melvin Paisley, je vous l'ai dit très tôt, de méchantes rumeurs courent sur son compte. Et c'est même pourquoi le LACAM s'intéresse à ce corrompu. Hein. Ah, mais il n'est pas le seul. En 1985, l'année de l'arrestation de Pollard, le NIS, c'est-à-dire le service d'enquête des forces navales, lance des investigations préliminaires sur les conditions dans lesquelles Paisley passe des commandes d'achat. Et en 1988, les enquêteurs pourront établir formellement la réalité des malversations auxquelles s'est livré Paisley. Transmission de données secrètes à des entreprises privées et obtention de commissions illégales sur les contrats. Mais surtout, le NIS, avec la collaboration du FBI, met en évidence les relations privilégiées que Paisley a nouées avec la puissante société israélienne, Maslat. Ouais. Et donc avec le LACAM, puisqu'on sait, avez-vous dit que Maslat sert parfois de faux-nez à ces très secrets services de renseignement. Hein. Et en même temps, les enquêteurs comprennent ce que cachent les liens de Paisley avec la Maslat. Les Israéliens ne se contentent pas de signer des contrats très avantageux avec le Pentagone. Ils veulent aussi qu'on leur communique des renseignements hautement confidentiels. Et ça signifie que Paisley n'est pas seulement malhonnête, mais qu'il s'est rendu coupable de trahison. C'est certain. Alors que devient-il ? Il faut d'abord observer qu'il a pris les devants, sans doute averti des risques qu'il courait dès le mois d'avril 1987. Il donne sa démission de la fonction qu'il occupait au Pentagone. Mais il ne part pas les mains vides. Il emporte avec lui de précieux documents sur quelques secrets industriels. Et de ceux qui intéressent le LACAM. Naturellement. En outre, il se débrouille pour demeurer consultant auprès des chefs de la marine. C'est astucieux, parce qu'il peut ainsi continuer à disposer de son laissez-passer octroyé par les services de sécurité. Et il peut donc circuler comme il le veut dans les bureaux. Et avoir toujours accès à des informations confidentielles, oui. Car bien sûr, beaucoup de fonctionnaires de l'administration lui sont redevables. Cependant, assez vite, ça se gâte. Son successeur, vraisemblablement mis au courant par le NIS ou le FBI, résilie son contrat de consultant et il doit rendre son précieux laissez-passer. Ça, c'est un coup dur pour Paisley, hein ? Certes, mais l'homme a de la ressource. Viré par la porte, il entre par la fenêtre. Mais comment alors ? Il existe auprès du commandement de l'US Navy une organisation tout aussi prestigieuse que discrète, le Conseil consultatif des recherches des forces navales. Cette structure qui regroupe des scientifiques, des industriels et des militaires est chargée de discuter des programmes les plus confidentiels et des dernières innovations. Or, il se trouve que pendant les 6 ans qu'il a passés au secrétariat de la marine, Paisley a personnellement nommé des membres de cet organisme. Ah, il est donc aisé de se rappeler à leurs bons souvenirs. Et d'obtenir auprès de ses fidèles les renseignements dont Paisley et par conséquent ses correspondants du LACAM ont le plus grand besoin pour continuer leurs petites affaires. Parallèlement, Paisley, qui a créé sa propre société, se fait engager par BDM, une importante entreprise de conseil en matière de défense. Une compagnie qui travaille beaucoup pour l'US Navy. Eh bien, décidément. Ce qui paraît quand même étonnant, c'est que, malgré le fait qu'une enquête sur les faits et gestes de Paisley ait été lancée depuis 1985, rien ne se passe. C'est vrai. Les enquêteurs donnent l'impression de se hâter très lentement. Parce qu'ils ont peut-être peur de déclencher un scandale ? C'est vraisemblable. Et après l'affaire Pollard, qui a provisoirement détérioré les rapports entre Israël et les États-Unis, À la Maison-Blanche, on n'a certainement pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Oui, mais il doit quand même être difficile de dissimuler une affaire d'espionnage aussi considérable. D'autant qu'on en constate des effets concrets. Bon, je vous passe les détails, mais les spécialistes américains de l'industrie militaire s'étonneront à plusieurs reprises de voir les Israéliens proposer sur le marché des matériels qui ressemblent étrangement à ceux qu'ils ont eux-mêmes conçus. Ouais, des similitudes qui ne peuvent être fortuites. Bien entendu. Ouais. Ce sera en particulier le cas des systèmes qui permettent de retransmettre des images télécommandées depuis le sol. Et puis, il faudrait aussi parler des drones, dont les Israéliens vont même devenir des champions incontestés. Et pourtant, les premiers spécimens construits par Israël et proposés à la marine américaine grâce à Paisley connaîtront à leur début de gros déboires. Mais si Paisley la tarde à être découvert et poursuit, le doit-il seulement à la peur des autorités états-uniennes de nuire à l'alliance scellée avec Israël ? Non. Non, il est certain qu'au long de sa vie, Paisley a très habilement et même cyniquement mis à profit les relations qu'il entretenait avec des personnages haut placés. Mais ça, j'y viens dans un instant. Car même dans sa vie privée, il s'est sorti de situations très difficiles. Dans sa vie privée, un exemple alors. En 1968, sa seconde épouse décède dans des conditions pour le moins très étranges. Paisley, seul témoin, raconte à la police qu'il a découvert sa mort en pleine nuit. Sa femme se trouvait étendue dans la salle de bain, le visage recouvert d'une serviette de toilette imbibée d'un dissolvant pour les ongles. Elle était d'autre part fortement alcoolisée. Quand même fait un peu bizarre, oui. Eh bien, Paisley parviendra à convaincre la police qu'il s'agissait d'un accident. Toutefois, quand l'ancien secrétaire adjoint à la marine sera convaincu de corruption, la police rouvrira l'enquête. En tout cas, cet accident, ou pseudo-accident, n'empêcha pas Paisley de se remarier au plus tôt avec une secrétaire de Boeing, puis de divorcer et d'épouser en quatrième noce une spécialiste en informatique, beaucoup plus jeune que lui, qu'il fera engager dans l'entreprise qu'il a lui-même rejointe après son départ du Pentagone. Cette BDM, c'est oui, ça ? Oui, ça m'amène à vous parler des protections dont disposait Paisley. Et là, nous entrons au cœur du lobby militaro-industriel américain. Le président de BDM est un proche, très proche d'un certain Frank Carlucci. Vous voyez qui c'est ? Oui, c'est un ancien dirigeant de la CIA. Et membre du Conseil national de sécurité sous Reagan avant d'être nommé secrétaire à la défense, puis de prendre la tête d'une véritable pieuvre économique, le consortium Carlyle. Oui, c'est un fonds d'investissement qui a été souvent critiqué hein, à cause de la trop grande influence qu'il exercerait sur le gouvernement des États-Unis. Hein. Et sur le complexe militaro-industriel. J'ajoute, mais vous le savez certainement, que Carlyle a recruté la fine fleur des anciens dirigeants politiques du monde occidental. En tout cas, il est presque certain que Paisley a longtemps bénéficié de la protection qu'un homme comme Carlucci pouvait offrir à ses obligés. Ouais. Et comment ça se termine alors pour Paisley ? En 1988, le FBI passe à l'action et procède à plusieurs perquisitions dans les bureaux des sociétés qui ont eu à collaborer avec Paisley. Et ça débouche sur la mise à jour d'un formidable système de corruption au sein du Pentagone. Plusieurs fonctionnaires et des dizaines de dirigeants d'entreprises sont concernés. Et Paisley apparaît bien sûr comme le plus impliqué. Jugé en 1991, il écopera d'une peine relativement modeste. 4 ans de prison et 50 000 dollars d'amende. Effectivement, c'est pas très cher payé. Hein. Mais l'important n'est pas là. Il n'y a pas eu de mise en cause des Israéliens. À aucun moment, on n'a évoqué l'intervention du LACAM. Manifestement, Washington ne voulait pas provoquer un nouveau scandale. Alors que même que la trahison de Paisley était bien plus importante que celle de Pollard. Et beaucoup plus dommageable pour les États-Unis. Oui. Donc on a passé sous silence le fait que Paisley était certainement, pardonnez-moi, le monsieur X de l'affaire Pollard. Oui. Et les as du contre-espionnage, en décortiquant le dossier, ont acquis la conviction qu'il existait une autre taupe israélienne à un niveau bien supérieur et désignée sous le nom de code MEGA. Ce personnage n'a jamais été identifié. Et les experts les mieux informés... Donc vous êtes. Alors, vous êtes trop bon, mon cher. Donc ces experts ont émis l'hypothèse que sous l'ère Clinton, pour dissuader les contre-espions américains de chercher à tout prix à identifier MEGA, le Mossad a menacé de faire chanter le président. Ouais, c'est à quel propos ? Bon, l'affaire Monica Lewinsky, bien sûr. Le Mossad avait réussi à se procurer des copies de conversations téléphoniques entre Bill Clinton et la stagiaire de la Maison Blanche. Le simple fait de le faire savoir à qui de droit a suffi à arrêter toute investigation sur Mega. Ouais, mais ensuite, quand Clinton a quitté le pouvoir, alors bah, c'est Bush Jr. qui lui a succédé. Lui n'avait rien à refuser à Israël. Sur ce sujet, un livre pour finir, Les guerres secrètes du Mossad de Yvonique de Noël chez Nouveau Monde. Et autre chose, Blood Money, l'argent du sang, c'est le titre d'un captivant roman d'espionnage où les fidèles de Monsieur X retrouveront des thèmes souvent traités par mon interlocuteur, en particulier les rapports soupçonneux qui existent entre les États-Unis et le Pakistan. Un livre de David Ignatius paru chez Lattès. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez retrouver cette émission et communiquer avec nous. Le programme a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.